C'était pourtant promis d'être sage. Il savait que beaucoup comptait sur lui. A demandé aux autres d'être des images, l'être soi-même visiblement. Le Père Noël a abusé de Mirabel. Encore une fois, comme chaque année, le Père Noël est défoncé. Deux, trois canons pour se réchauffer. Il s'était pourtant promis pas abuser. Il ne travaille pourtant qu'un jour par an. Il a quand même violé le règlement. Tombé de toi, le Père Noël a abusé de Mirabel. Encore une fois, comme chaque année, le Père Noël est défoncé. Père Noël, as-tu réfléchi à la conséquence de tes actes? Tu mériterais, mon ami, deux ou trois coups de matraque. Et envisage sérieusement, mon garçon, une efficace cure.